tipo. Laissez pleurer mon cœur. La macarena tu me sais si tout le monde l'étranger, aïe aïe aïe. A ticket, a doudou, a ticket, a doudou. A ticket, a doudou, a ticket, a doudou. A ticket, a doudou, a ticket, a doudou. La magata n'a dit musique comme ça, et l'aliment c'est moi. La magata n'a dit musique comme ça, c'est d'un bras ou man les mots doudou moi. La magata n'a dit musique comme ça. Pas trop fort, pas du même, un tissu. Aïe, ouais. Le magasin de musique comme ça. Tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens. Aïe.